Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, l'heure de se mettre un peu de science dans les oreilles. Vous avez sans doute entendu parler des probiotiques, peut-être aussi des prébiotiques, et peut-être même des postbiotiques. Alors qu'est-ce que c'est ça, les pré, les pro, les postbiotiques ? On démêle tout ça à 18h30 avec Clémence Desjardins, qui est nutritionniste et étudiante au doctorat à l'Université Laval. Mais pour le moment, on va parler de Tesla. Alors, pas du constructeur automobile. Tesla, c'est aussi une unité de mesure des champs magnétiques, mais surtout, Tesla, de son nom complet Nikola Tesla, était un inventeur passé sous silence, je veux dire, alors qu'on lui doit l'électrification de nos villes et de nos campagnes. Et si j'ai découvert l'importance de Tesla dans nos vies, c'est en lisant un roman policier, comme quoi la littérature, ça peut ouvrir bien des portes. Donc ce roman policier, c'est Le Dernier Crépuscule. Le livre prend en effet appui sur une invention de Nikola Tesla, et j'ai eu envie d'en savoir plus sur ce curieux personnage. Vous allez voir, comme quoi un roman, ça peut être une porte d'entrée sur la science. Alors, Le Dernier Crépuscule, ça se déroule en grande partie près de la centrale Manic 5, et il est écrit par Eric Harvey, qui est ici présent. Bonjour à Eric. Bonjour Valérie, ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de parler de Nikola Tesla. Oui, puis en fait c'est un livre qui se... c'est comme le livre précédent que tu es venu présenter il y a quelques semaines. Donc on lit ça, c'est plein d'action là, ça déboule. Et si on regarde la genèse de ton livre là, est-ce que tu as eu l'idée de l'intrigue en tête et c'est pour la développer, tu es allé chercher, voyons voir quels sont les inventeurs, les scientifiques du passé qui ont travaillé là-dessus, ou alors, et donc tu es tombé sur Nikola Tesla, ou alors tu es parti de l'invention de Nikola Tesla et tu as monté une intrigue pour en faire une enquête policière. C'est quoi la genèse là? C'est arrivé dans quel ordre? En fait, ça fait quand même un certain temps que... Quelques années que je connais Nikola Tesla, de par mon cours que j'ai eu en génie électrique, on en avait déjà parlé, mais ça faisait longtemps que je cherchais une occasion de pouvoir intégrer cet ingénieur serbe américain qui était futuriste et inventeur dans mes romans. Donc, l'idée, en fait, c'était que j'avais lu un jour que Tesla, pendant qu'il avait fait ses travaux, il s'était rendu compte que qu'après des éclairs, ben il y avait toujours des averses. Ah. Donc, lui, l'idée, c'était peut-être qu'il pourrait un jour être capable de contrôler la météo avec l'électricité. Donc, cette idée-là a germé, puis c'est comme ça que, toute la trame, roman a été montée, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, faut nous présenter donc, ce personnage, Nikola Tesla. Là, on est, tu dis serbo-américain, donc il était serbe, il est arrivé aux États-Unis, on est à quelle époque? On parle des années 1890, en fait. En fait, pour un peu décrire Tesla, ce personnage fascinant et énigmatique, en fait, il est né en 1856 en Croatie, donc l'ex-Yougoslavie, d'une famille serbe. La légende dit que Tesla serait né durant un violent orage électrique. Ah ouais? Donc, peut-être... Peut-être une légende, peut-être. C'est une légende. C'est un personnage qui avait une mémoire très impressionnante aussi. Il avait les capacités de modéliser des problèmes très complexes. Il a obtenu aussi plus de 300 brevets d'invention. C'est énorme! C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. En plus, quand on parle de Nikola Tesla, on l'associe toujours à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. À cause de sa grande rivalité avec lui, ce qu'on a appelé à l'époque la guerre du courant. Donc, qu'est-ce qu'elle allait distribuer dans la maison? Est-ce que ça allait être du courant continu ou du courant alternatif? Bon, finalement, Tesla, avec une autre entreprise qui s'appelait Westinghouse, qui ont gagné finalement cette guerre au courant. Donc, c'est le courant alternatif qui a gagné sur la distribution. Donc, c'est ça. Donc, Tesla, finalement, après ça, a fait des inventions, d'autres travaux. Il est décédé en 1943, à l'âge de 86 ans. Lui, il est décédé sans argent parce qu'il avait tout investi dans ses travaux de recherche. C'était, c'était vraiment ça. Son but, c'était de tout l'argent qu'il gagnait, c'était de le réinvestir dans ses travaux. Il était obsédé par ses recherches. Tout à fait. Peut-être pas que par ses recherches, d'ailleurs. Non, non. C'est quand même un personnage complexe qui avait des démons intérieur, donc il était sujet à des troubles obsessifs compulsifs, il avait des phobies, bon, il comptait ses pas, il avait la phobie des poignées de main aussi, obsession de la propreté, donc c'est ça, donc c'est un personnage énigmatique, fascinant, complexe, Tesla, donc je pense que c'est important aussi que les gens se souviennent de lui pour ce qui a été, mais aussi pour les inventions qu'il a fait et qui nous touchent au Québec particulièrement. Ben c'est ça, donc qui nous touche au Québec parce qu'on lui doit même quasiment certaines centrales électriques? Oui, en fait, l'héritage des travaux de Tesla fait en sorte que plusieurs centrales hydroélectriques au Canada et au Québec se sont développées à partir des technologies qui avaient été développées à l'époque de Tesla. Donc, en fait, les premières infrastructures qui ont été faites avec les technologies que Tesla avait développées, ce sont les chutes du Niagara qui ont été développées, donc stations avec Westinghouse qui ont développé en 1895. Avec les brevets, évidemment, de ce savant. C'est-à-dire que donc une centrale électrique à Niagara, aux chutes Niagara, qui fonctionnait sur un alternateur développé par Tesla. Tout à fait. Parce qu'auparavant, c'était du courant continu, parce qu'il y avait des centrales déjà qui existaient auparavant, mais ça fonctionnait avec du courant continu. Du courant continu, c'est ça que Edison faisait la promotion, du courant continu, mais les centrales étaient toujours près des lieux où ils devaient fournir le courant parce que la distribution était à courte distance avec le courant continu. Tandis que le courant alternatif, tu pouvais parcourir de plus grandes distances pour distribuer le courant. Il y avait moins de pertes. Ah oui, c'est intéressant. Donc, ça, c'est un avantage. Ouais, surtout quand les barrages sont situés loin, ou en tout cas les sites potentiels pour de l'hydroélectricité sont loin des centres d'habitation, des villes. C'est bien de pouvoir disposer d'un système qui envoie le courant à longue distance. Exact. Donc, ça réduisait le nombre de répéteurs, par exemple, comparé à du courant continu. Donc ça a amené à ce qu'on connaît aujourd'hui du développement de l'hydroélectricité au Québec. Bon, des années 70, le Manic 5, le barrage de Ned Johnson, qui produisait avec une énergie de l'ordre de 3 mégawatts. Donc, on est rendu, en fait, 3 gigawatts, c'est 1000 fois plus que ce qui se faisait à Niagara parce que les technologies se sont perfectionnées. Donc, il y a eu celle de Niagara, mais il y a eu aussi celle de Shawinigan? Oui, dans aussi, la foulée? Dans les premières qui ont été construites. Donc, on a eu les chutes du Niagara du côté canadien et aussi une autre, comme tu viens de le mentionner, une autre station de production à Shawinigan. Alors ça fait partie des inventions, bon, parmi les 300 brevets, mais il y en a eu d'autres aussi. On parle de la bobine de Tesla. C'est quoi ça, la bobine de Tesla? En fait, c'est une invention qu'il a créée. C'était un dispositif qui permettait d'amplifier, en fait, le voltage puis de pouvoir opérer à grande fréquence. Donc, c'est avec cette bobine qu'il a inventée, la bobine de Tesla, on l'appelle comme ça, qui a permis de réaliser ses expériences à Colorado Springs. Où il a finalement fait des tests sur la transmission de l'énergie à distance. Il était capable, par exemple, d'allumer des ampoules qui étaient placées à une certaine distance. Ah oui? Sans fil? Sans fil. Et en avance? Oui, très, très, très en avance. C'était un visionnaire aussi. Puis c'est ça qui l'a conduit aussi à développer ensuite, suite à ses travaux en 1899-1900, Il y a eu du financement pour construire une tour qui était située en banlieue de New York, qui s'appelle Warden Cliff, puis qui permettrait de transmettre l'énergie sans fil, accessible pour tous. Donc, dans cette tour, il y a une bobine de Tesla? Oui, Oui, c'est ça. Basé vraiment sur Et ces ça travaux. génère quoi? Ça génère un champ magnétique, cette Ben, bobine? ça génère des champs électromagnétiques, OK. donc des ondes électromagnétiques Ouais. qui sont propagées à grande distance. OK. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de, si tu travaillais à des certaines fréquences, ben, tu pouvais tenir compte d'utiliser la Terre comme une cavité, un peu comme les ondes radio amateurs. Était capable de capter des ondes de très très longue distance par le fait que les ondes se propagent dans l'atmosphère, en fait, là. Et c'était quoi son idée, sinon, avec cette tour avec sa tour, c'était pas de transmettre l'électricité? Ben, en fait, au début, il avait vendu son expérience pour transmettre la voix, donc communiquer, faire de la OK. télécommunication. Mais là, il Mais n'y avait pas ensuite, quelqu'un d'autre qui faisait ça déjà? Ben, il y avait Marconi. Ouais, c'est ça, Oui, il oui. me semble. Marconi a fait ça, mais ils ont ensuite, récemment, on a dit que Marconi, finalement, s'était servi des Ah. travaux de Tesla Ah pour. oui. Marconi a vraiment utilisé la technologie que Tesla a développée. Puis ça a été vraiment. Lui, il avait pris des brevets qui ont été invalidés par la suite parce que c'était déjà des brevets qui appartenaient à Tesla. Donc, c'est quand même intéressant de connaître ce fait-là aussi. Donc là, en fait, pour en revenir à sa tour, là, c'était pour communiquer. Ben, au début, c'était pour communiquer. C'est comme ça qu'il a vendu à ses investisseurs. Ouais. Mais quand ses investisseurs se sont rendus compte que c'était pas seulement la voix, ils voulaient aussi envoyer l'énergie. Donc, l'énergie gratuite pour tous. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant, mais mettons que financièrement, ça n'a pas été très, très rentable pour l'investisseur qui, après s'en être rendu compte, il a coupé Mais parce que ça son marche investissement. pas Ben, physiquement, c'est pas possible c'est parce que ou... ça a été difficile de mettre des compteurs pour possiblement. Ben, c'est sûr qu'on fait sur le modèle d'affaires, si c'est gratuit pour tous, disons que le modèle d'affaires, il est un peu Ouais, bancal. il est un peu bancal, c'est ça, exactement. Mais bref, c'était la prétention de Tesla Ah de ouais. vouloir donner l'énergie à tout le monde. Ah, ben Donc. c'était quand même une belle vision de Oui, partage oui, social. oui, Ok, je oui, tout, développe oui, tout des à fait. affaires scientifiques, mais j'en fais partager tout le monde. Tout à peu Mais près tout sinon, le monde. c'est possible ça, sinon de bon avec cette bobine qui envoie, qui génère un champ électromagnétique, de propager l'énergie. Quelqu'un pourrait recevoir l'énergie comme ça à distance, sans rien, sans support matériel? Oui, par exemple, il y a eu des expériences de propagation, par exemple, de micro-ondes pour envoyer, par exemple, un engin volant qui, avec des capteurs, ben, capte l'énergie électromagnétique et la transforme en électricité. Ah ouais. Donc, ça s'est fait dans les années 60. OK. Donc, on est capable d'envoyer de l'énergie dirigée, si on OK. veut, vers un véhicule ou. On pourrait penser aussi qu'un jour, on pourrait avoir des stations solaires en orbite qui enverraient des faisceaux micro-ondes vers la Terre pour transmettre l'énergie. Donc, ça aussi, c'était un peu visionnaire de Tesla Ouais. de dire on va envoyer l'énergie sans fil. Oui, exactement. Quand même. Puis, il n'était pas juste en avance pour ça aussi. C'est lui qui avait prédit le téléphone cellulaire. Ah oui. Déjà en 1902, il avait prédit qu'il y aurait un appareil tenu à la main, assez compact, où on pourrait communiquer sans fil. Donc, on appelle ça un cellulaire Bah aujourd'hui. oui, bah c'est quand même Ouais. assez impressionnant. Je trouve ça fascinant parce que c'est quand même un curieux personnage qui a à la base de pas mal de nos outils de tous les jours finalement. Puis on ne connaît pas tellement. On Non. connaît Newton, on connaît Einstein, on connaît en physique quantique, on connaît Bohr, etc. Puis Tesla, on le connaît beaucoup moins. Moi, je connaissais juste l'unité finalement, l'unité Ouais. Tesla. C'était tout ce En que je fait, on peut connaissais. dire que dans l'histoire, je pense que ces faits ont été un peu escamotés là, par rapport peut-être à quelqu'un comme Edison, Ouais. qui était un Américain d'origine, Plus Tesla. volubile. Oui, aussi. Puis aussi, Edison commercialisait Ouais. ses produits, tandis que Tesla, lui, c'était plus, il prenait des brevets, donc moins l'aspect commercialisation. Mais je pense Ouais. que son histoire, ses faits ont été repris par des biographes qui ont vraiment mis de l'avant qu'est-ce que Tesla avait fait. Alors, venons-en maintenant à ton livre, donc Le Dernier Crépuscule, parce qu'il est quand même basé sur la tour de Tesla, donc cette tour qui existe, et sur cette idée, donc comme tu disais plus tôt, l'élément là, qui a initié l'idée du livre, c'est le fait de pouvoir modifier le climat. Parce que ouais. Tesla s'est aperçu qu'il pleuvait après ses expériences, donc modification du climat. Ouais. Donc c'est ça. Donc dans la fiction, finalement, c'est qu'on dit bon oui, une invention de Tesla qui permet de modifier, de manipuler le climat. Donc c'est un peu l'idée, le fil conducteur du livre, en fait, que c'est un brevet de Tesla, puis qu'on avance dans l'histoire, puis c'est donc on se rend compte qu'avec ces technologies, on pourrait potentiellement créer même une arme qu'on appelle une arme climatique, parce qu'on sait que les militaires ont déjà pensé à ce genre de technologie qui permettrait de faire pleuvoir, soit d'assombrir par des nuages. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et au départ, c'est quelqu'un qui veut agir pour le bien, qui veut fournir un moyen de ralentir le changement climatique. C'est ça, exactement. Il y a une organisation là-dedans qui veut essayer de trouver une solution au changement climatique, puis de dire, OK, on va servir de la technologie de Tesla pour mettre une espèce d'écran, un voile autour de la Terre pour réduire l'effet du soleil, pour réduire le réchauffement, finalement. Mm-hmm. Mais cette expérience-là, à un moment donné, ça dérape, et puis c'est là. Oui, puis là, il y a des histoires qui s'entrecroisent, comme dans tes autres livres. Mm-hmm. En tout cas, je ne les ai pas tous lus, mais les deux que j'ai lus, ça s'entrecroise pas mal. Donc, il y a un enlèvement d'un prix Nobel, il y a une agente, donc l'agente Keller, qui fait enquête, et qui se retrouve à Colorado Springs, là où était Tesla. Oui, c'est ça. Oui, on se ramasse exactement là où Tesla avait fait ses expériences sur la transmission de l'énergie. Puis oui, à Colorado Springs, puis donc c'est ça. Puis aussi, ça se passe aussi au Québec aussi, dans la région de Manicouagan, où il y a justement un barrage qui est là, puis bon, toute l'intrigue aussi se base sur cette organisation qui sert de cet emplacement-là pour faire une expérience. Ah ouais, là. Donc on n'en dira peut-être pas plus sur le livre, parce qu'il faut quand même... Il faut en garder un petit peu. C'est ça. Mais bon, il faut garder en tête que c'est une intrigue avec une agente et puis un enlèvement d'un prix Nobel. Il y a des affaires avec la CIA et toutes sortes de choses. Puis projet qui déraille. Puis... c'est un roman scientifique puis d'espionnage en même temps aussi. Et donc, ça bouge, hein, c'est rythmé. On ne s'ennuie pas. Tant mieux. C'est ce que je voulais aussi, là, c'est d'avoir du rythme. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ça termine aussi, la toute dernière phrase, ça se termine sur... parce que l'enquêtrice, l'agente, c'est Anne Keller. Elle a envie de prendre des vacances. Puis elle reçoit un message qui lui dit qu'elle découvre un artefact. Et ça, c'est le point de départ du livre d'après. De l'autre livre. J'aime bien faire des références. Exactement. Donc, on ne sait pas forcément, mais quand on a lu l'autre livre, on dit « Ah !» Moi, je l'ai lu à l'envers, en fait. Hein. C'est bête. Hein. Je passe par le troisième, puis après le deuxième, puis je devrais lire le premier. Il reste un. C'est ça. Donc, le premier. Mirage synthétique. Et alors, lui, Mirage synthétique, il se base aussi sur des faits scientifiques. Oui, il se base sur des faits scientifiques. On parle plus dans ce livre-là de nanotechnologie. Ah oui. Et puis, si j'en parle plus, là, je vends le punch. Ouais, mais disons qu'encore Anne Keller, on voit vraiment son histoire où quand elle a commencé comme agente technoscientifique dans une section technoscientifique du SRS, là, le service de renseignement et de sécurité. Maintenant, la question, en fait, on les trouve où, ces livres? Bien, en fait, donc, il y a la version papier qui se trouve chez un éditeur qui s'appelle Bouquinbec. Puis on peut commander là, à un site web, en fait. Et puis, la version numérique se trouve sur la plateforme Kobo. que certaines personnes connaissent, parce qu'il y a des liseuses qu'on peut acheter comme boule. Donc là, je crois que tu avais dit que tu avais un autre livre en germination. Oui, il y a un livre en germination. Qui va parler, ça va être encore l'agent de Keller qui se trouve à arriver sur une mission encore très scientifique. Ouais. Puis que finalement, ça va parler de mémoire à long terme, c'est-à-dire comment stocker l'information qu'on a aujourd'hui, qui sont en très grande quantité, mais à très long terme. Ah. Parce qu'on sait que l'information qui est stockée maintenant, le support n'est pas très long. C'est ça. Il y a un problème de pérennité avec ces supports. Donc, il y a d'autres technologies qu'il faut qu'ils soient développées pour avoir du stockage à long terme. Ouais. Où est-ce que tu puisses tes idées? Bien, un peu partout. C'est ça que je suis dans le domaine de la recherche et du développement. Bon, il faut que je m'informe beaucoup. Mm-hmm. Il faut que je fasse des veilles technologiques. Donc, ça me permet d'obtenir des idées puis de voir des tendances technologiques. Moi, je regarde les tendances. C'est pour ça que j'ai parlé de quantique, j'ai parlé de nanotechnologie, j'ai parlé de géo-ingénierie. Mm-hmm. Donc, c'est un peu les tendances. Là. J'ai pas parlé d'IA encore parce que je pense qu'il y en a beaucoup déjà là-dessus. Mm-hmm. Et en fait, je dis pas peut-être pas un prochain, mais peut-être. Bon, on va se donner un autre rendez-vous. Il faut que je lise le premier livre et puis on va se donner un autre rendez-vous à l'automne. C'est ça. Tu m'invites, ça m'a fait plaisir. Sur la nanotechnologie, donc. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Ben, merci beaucoup, Eric, de nous avoir déjà enseigné qui était ce Nikola Tesla, que, en tout cas, moi, pour ma part, je ne connaissais point trop. Et puis, merci beaucoup aussi de mettre de la science dans les romans. Je trouve que c'est original, c'est pas très fréquent. Je trouve qu'on en manque. Il faudrait qu'il y ait une concertation entre les auteurs. N'hésitez pas à mettre un petit peu de science dans les romans. Il y en a qui en mangent. Je suis d'accord. Mais je pense que Nikola Tesla, on connaît beaucoup les voitures, mais le scientifique, vraiment, on doit connaître ce scientifique-là. Puis surtout au Québec, avec notre force sur l'hydroélectricité. Exactement. Un personnage à connaître. Ouais. Donc, merci beaucoup, Eric. Merci. Alors, Eric Harvey est auteur de romans scientifico-policiers, comme vous avez pu le constater, mais il est aussi ingénieur-chercheur au CIMI. C'est le Centre en imagerie numérique et médias interactifs au Cégep de Sainte-Foy.